إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé dans la première partie, on a fait l'introduction sur le tawhid. Et là donc, inshallah, on va poursuivre avec les paroles du Cheikh Al-Fawzan dans l'explication de haqqullahi ala al-ibad, c'est-à-dire le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il soit adoré lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Donc le Cheikh, il nous expliquait que يعني إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله فالنار حرام على الموحد والجنة حرام على الملحد. Donc le cheikh il dit que celui qui dit la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit l'enfer, tout comme celui qui fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit يعني le paradis. Donc celui qui fait du shirk, Allah lui interdit le paradis. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. Donc on a expliqué ça dans la première partie du cours et on va continuer. Le Cheikh Al-Fawzan dit: إذا كان كذلك أيها الإخوة وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع فلماذا لا نهتم بالتوحيد ولماذا لا نتعلم العقيدة عقيدة التوحيد ولماذا لا ندرسها ولا ندرسها لأولادنا لماذا لا ندعو إليها وننشرها بين الناس فالتفريط بهذا الأصل ونسيان هذا الأصل والتساهل فيه تساهل بأصل الدين ولهذا كان العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا أو إلى ما شاء الله كانوا يهتمون بتدريس العقيدة ويدرسونها أولا ثم يدرسونها لأولادهم ثم يدعون الناس إليها ويبينونها للناس فأنت إذا جئت إلى مجتمع أو إلى جماعة من الناس وعندهم شيء من الشركيات وشيء من عبادة القبور والأضرحة وعندهم شيء من أنواع الكفر ومنها السحر والشعوذة والكهانة وغير ذلك من الأمور التي تنافي العقيدة فيجب عليك أن تبدأ بدعوتهم إلى التوحيد وتنكر عليهم هذا الشرك وهذه الكفريات أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى النوافل وإلى الطاعات وهم مقيمون على الشرك بهذه فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منها حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تتجه إلى بقية الأمور. Donc le cheikh il explique donc que il dit donc si le tawhid a toute cette importance ô mes frères, alors dans ce cas si on sait que le tawhid a ce grand niveau dans la religion de l'islam, ce niveau très élevé d'importance, alors pourquoi on ne donne pas au tawhid plus d'importance? Pourquoi on n'en parle pas plus souvent? Le cheikh il dit, pourquoi on n'étudie pas la aqidah et on n'étudie pas la aqidah du tawhid? Pourquoi on ne l'apprend pas pour nous-mêmes et pourquoi on ne l'enseigne pas à nos enfants? Pourquoi on ne l'enseigne pas à nos enfants? Et en particulier, yani dans ce pays, hein, vous avez tous des enfants et des petits-enfants. Et ils ont tous à faire face à toutes sortes de croyances et à toutes sortes d'idées de coffre et de shirk dans cette société. Et si vous ne l'apprenez pas à vous-même et que vous ne l'enseignez pas à vos petits-enfants, eh bien, ils risquent de tomber dans des formes de coffre ou de shirk sans même le savoir. Et donc, c'est quelque chose de dangereux et de grave. Donc, le cheikh dit, pourquoi donc on ne l'enseigne pas à nos enfants? Pourquoi on n'appelle pas les autres à cette base de l'islam, à ce tawhid? C'est-à-dire, pourquoi on n'appelle pas tout le monde qui sont autour de nous à cette base et à ce principe de l'islam qui est le tawhid, qui est le plus important dans la religion de l'islam? Hein? Même les gens qui sont autour de nous qui ne sont pas musulmans, c'est un devoir pour nous de leur expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid, de leur expliquer qu'est-ce que c'est la ilaha illallah. Hein? Parce que subhanallah, on dirait que pour certains musulmans, ils prennent plus de temps à leur expliquer leur culture, leurs traditions et leurs différentes nourritures ou différents plats qu'ils aiment préparer, par exemple. Vous voyez que les koufars, ils connaissent mieux ces choses-là de la part des musulmans qu'ils connaissent, par exemple, le tawhid, qui est la base de l'islam. La première chose qu'on doit partager, qu'on doit faire connaître aux koufars, aux chrétiens, aux juifs, aux athées, à tous ceux qui ne sont pas musulmans, la première chose qu'on doit leur faire connaître, c'est la signification de la ilaha illallah. Hein? Avant de leur faire connaître le couscous, avant de leur faire connaître les halawiyat et tous les autres trucs qu'on mange dans nos cultures, ça c'est des choses secondaires. C'est pas ça qui va les sauver de l'enfer au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui va les sauver de l'enfer au jour de la résurrection quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, quand chacun d'entre nous on va être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour attendre notre sentence et notre jugement devant notre Créateur? Qu'est-ce qui va nous sauver? C'est si on a vraiment compris la signification de la ilaha illallah et qu'on l'a appliquée et qu'on l'a pratiquée. Et donc, la première chose, comme on a lu dans le hadith de Mu'az ibn Jabal, la première chose à laquelle on doit les appeler, hein, et appeler les musulmans en général, c'est la compréhension correcte de la ilaha illallah. Et de négliger cette base ou de l'oublier, hein, ou de la prendre à la légère, ça signifie en réalité qu'on prend à la légère la base de cette religion et le fondement de cette religion. Le cheikh il dit, et c'est pour cette raison là que les ulama, hein, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont toujours préoccupés d'enseigner la aqidah, de l'apprendre aux gens, de l'enseigner à leurs enfants, à leurs familles, à leurs femmes, et ensuite de l'enseigner aux gens en général et de la clarifier pour les gens. Donc, lorsque tu viens dans une société, par exemple, tu viens dans une société où tu viens à un groupe de personnes, et que dans cette société ou chez ces gens, il y a une série de formes de shirk qui sont pratiquées par les gens. Comme par exemple, il y a des gens qui, par exemple, adorent des tombeaux ou des choses de ce genre. Ou bien, ils font des différentes sortes de kufr. Par exemple, tu sais que dans certaines sociétés ou dans certains groupes de personnes, il y a des gens qui pratiquent du sihr. Ils font de la sorcellerie. Ou bien, ils pratiquent toutes sortes de sha'waza, de charlatanisme, toutes sortes de choses de ce genre. Ou bien ils pratiquent al-kahana, c'est-à-dire des gens qui prétendent connaître l'avenir. Tu vas les voir, par exemple, ils vont te dire qu'est-ce qui se passe demain. Ils croient en l'horoscope, ils prétendent pouvoir lire les lignes de la main, ou bien de lire les feuilles de thé, ou bien de toutes sortes d'autres choses qu'ils prétendent. Tout ça, ça rentre dans le kufr. Hein? Tout ça, ça rentre dans les croyances qui font sortir de la foi. Le sihr, c'est kufr. Hein? Donc, si vous voyez que des gens dans les sociétés ont ces choses-là, eh bien, il faut les appeler au tawhid en premier. Il faut les appeler à purifier leur aqidah en premier. Parce que si par la suite tu n'as pas, si tu n'as pas corrigé le shirk qu'ils font ou les formes de kufr qu'ils font, et que tu les appelles à d'autres œuvres, à d'autres actions, à d'autres bonnes pratiques de l'islam, comme par exemple la salat ou la zakat, ou de faire des nawafil, ou de faire des actes d'obéissance, ou de donner des sadaqat, mais qu'ils n'ont pas corrigé leur tawhid, eh bien tout ce qu'ils feront par la suite n'aura aucune valeur, parce que ils continuent à pratiquer du kufr ou du shirk ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est très important à le comprendre. Celui qui fait sa da'wa, qui appelle les gens à pratiquer, et vous le voyez chez certains individus qui prétendent qu'ils appellent à l'islam et qui prétendent qu'ils vont ramener les musulmans à la mosquée, ainsi de suite, ils se concentrent uniquement sur les autres choses. Le tawhid, ils ne se concentrent pas dessus parce qu'ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas le tawhid. Il y a certains, par exemple, quand ils interprètent « La ilaha illallah », qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ça veut dire, tu fais sortir de ton cœur la fausse certitude en les choses pour faire rentrer en ton cœur la certitude que c'est Allah seul qui est le créateur, que c'est Allah seul le pourvoyeur, et des choses de ce genre. Et ça, ça ne dépasse pas la signification de tawhid al-rububiyya. Ça ne dépasse pas la signification de tawhid al-rububiyya. Et même les mushrikoun de Quraysh, on l'a expliqué dans le cours précédent, même les mushrikoun de Quraysh, ils croyaient que Allah était unique. Et ils savaient que c'était lui le créateur et le pourvoyeur. Donc le fait de dire ça, ça ne te fait pas entrer dans l'islam. Et ce n'est pas la vraie signification, comme on a dit, de la ilaha illallah. La vraie signification de la ilaha illallah, on l'a expliqué, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Et donc, il faut faire attention à ces choses-là. Le cheikh, il dit, si tu te bases pas sur ça dans ta da'wa et tu commences pas par la base, alors ta da'wa, elle est erronée, elle est fausse, elle est incorrecte. Il y en a des gens, par exemple, quand ils parlent de l'islam, ils ne parlent que des questions politiques, des questions économiques, des questions sociales. Et quand tu regardes, ils ne parlent jamais d'aqidah. Ils ne parlent jamais des questions de tawhid et de fondement de l'islam. Ils disent, non, ça va diviser les gens. On ne va pas parler de ça. Hein? Et ça, c'est le contraire. Puisque si le tawhid nous divise, qu'est-ce qui va nous unir? Hein? Si c'est la base de l'islam qui nous divise, qu'est-ce qui va nous unir? Hein? Les futilités? Hein? On va faire comme les juifs et les chrétiens? Pour faire plaisir à tout le monde, on va changer la religion? Non, ça ne doit pas être comme ça. Donc, le cheikh, il dit ensuite, « فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ الْإِنسَانَ لَكْ أَنَا مُسْلِمْ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَكْفِي هَذَا حَتَّى يُحَقَّقْ هَذَا الْأَصْلِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ويشهد أن محمدا رسول الله ولكنه يفسد ذلك بالشرك يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاذلي يا تيجاني ينادي الأموات ويطلب منهم المدد يطلب منهم الحاجات هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله لأنه كالذي يتوضأ ويحدث يعني الله المستعان صحيح يتوضا ولكنه احدث هل يبقى وضوءه بعد الحدث لا donc le cheikh explique, il dit, c'est pas suffisant que quelqu'un te dise je suis musulman, je témoigne de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, c'est pas suffisant pour réaliser la réalité du tawhid. Ça, c'est juste une parole que tu dis avec ta bouche, c'est pas suffisant. Il faut que tu comprennes la signification de ça et que tu l'appliques par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah aujourd'hui et qui disent Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils détruisent ça en faisant du shirk. Quand il a un malheur ou un problème, il appelle Ya Hussein, Ya Abdul Qadir, il appelle des hommes qui sont déjà morts. Il les demande de l'aide, il les appelle à l'aide. Vous avez par exemple les Shia en Iran, ceux qu'on appelle les Rafidah. Quand ils ont des malheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Ali, Al-Madad, Al-Madad. Ils demandent l'aide à des morts, à des êtres humains qui sont décédés, qui sont enterrés, comme s'ils pouvaient les aider. Et ça, c'est du shirk billah. Et non seulement ça, ils ont construit des mosquées sur leurs tombes et ils font des pèlerinages à ces endroits-là. Et dans ces pèlerinages-là, il y a plus de gens qui vont que les gens qui vont faire le Hajj à Mecca. Hein? Et ils font le tawaf autour des tombes. Hein? Et ils pensent que ça, c'est acceptable. Alors que c'est du shirk. Hein? C'est d'associer Allah dans l'adoration, c'est d'associer avec Allah dans l'adoration. Et ça, ça fait sortir quelqu'un de l'islam s'il le fait. Peu importe le nombre de fois qu'il dit la ilaha illallah. Peu importe le nombre de fois qu'il fait la salat. Peu importe le nombre de fois qu'il fait le hajj, si il fait ça, il adore les tombes et les morts, son adoration, elle est batila, elle est fausse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement à propos de ça, il a dit « La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid » Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration et des lieux de prière. Hein? Et il y en a parmi les gens aujourd'hui, parmi les musulmans, qui les ont imités là-dedans. Hein? Chez les soufiyins, hein? Les gens qui suivent les turcs, soufis. Et tu vois dans leurs mosquées des tombes et des tombeaux, et ils les adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, ils disent la ilaha illallah. Contradiction. Hein? Donc, il dit, ya Shavili, il y en a des gens qui ont eu un malheur, ya Tijani, ya Abdul Qadir, des noms des saints. Soi-disant des saints qu'ils adorent en dehors d'Allah. Comme les catholiques, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des malheurs? Ils leur demandent des besoins qu'ils ont. Ils leur demandent de les aider. Donc celui qui fait ça, il a détruit la signification de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah ne lui servira à rien s'il fait ça. C'est comme celui, par exemple, qui fait le wudu, puis après il va uriner. Est-ce qu'il peut prier? Non, parce que En ayant uriné, il a annulé son wudu. Et c'est la même chose pour celui qui dit la ilaha illallah, puis après ça, il fait le shirk. Hein? Son la ilaha illallah ne sert à rien parce qu'il a annulé son la ilaha illallah par le shirk. Donc c'est la même chose. Hein? Et donc le sheikh, il dit, فَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ أَوْ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَيْسَتْ مُجَرَّدُ لَفْظٍ يُقَالُ بِاللِّسَانِ وإنما هي كلمة لها معنى ولها مدلول فإذا قال لا إله إلا الله تلفظ بها فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يترك عبادة غير الله ويترك الشركيات ويترك الاعتقادات الباطلة ويترك نواقض الإسلام حتى تنفعه لا إله إلا الله وإلا فإنها تكون لفظا لا معنى لها والمشركون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها أن يتركوا عبادة الأصنام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كما أخبر الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لو كان المقصود أنهم يتلفظون بها فقط سهل ذلك عليهم ولكن علموا أن المقصود أنهم يتركون عبادة الأصنام وأن يقتصروا على عبادة الله وحده وهم لا يريدون ذلك يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. Donc le cheikh explique par la suite, il dit que lorsqu'on dit la ilaha illallah ou le témoignage de la ilaha illallah, c'est pas seulement de dire le mot avec la bouche ou de le prononcer. Hein? Tu demandes à un perroquet, tu le fais répéter, il va le répéter la ilaha illallah. Hein? Tu demandes à quelqu'un, un juif ou un chrétien, ou n'importe qui, dis la ilaha illallah, il va dire la ilaha illallah. Mais si tu lui dis pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va compter? Si tu lui expliques pas qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ça va compter? Non. Parce que c'est des mots en arabe qu'il ne comprend pas. C'est des mots en arabe qu'il ne comprend pas. Mais le cheikh, il l'explique justement, il dit, ce sont des mots qui ont une signification et qui ont un sens. Donc, lorsque tu dis la ilaha illallah, tu le prononces, mais que tu n'as pas réalisé leur signification et que tu n'as pas appliqué ou agi selon ce que ça implique, Hein? Que tu n'as pas abandonné ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas adoré les différentes formes de shirk et les fausses croyances, hein? Tu n'as pas abandonné les choses qui annulent l'islam d'une personne, alors ce ne sera pas bénéfique pour toi. Pour que la ilaha illallah soit bénéfique pour toi, il faut qu'elle soit prononcée en tant que, il faut qu'elle soit prononcée, mais qu'elle soit comprise également avec leur signification aussi. Et les mouchriquons, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah, ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ils ont compris que ça signifiait que s'ils devaient dire la ilaha illallah, ils devaient cesser d'adorer les idoles. Ils ont compris que de dire la ilaha illallah, ça implique que tu dois arrêter d'adorer les idoles. Hein? Donc, à cause de ça, ils ont refusé de le dire. Ils ont compris que lorsqu'ils disent la ilaha illallah, la preuve qu'ils ont compris, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 à 7 dans Surat Sad, hein, les mouchriquins ont dit, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité? Ça veut dire, on va arrêter d'adorer toutes nos idoles, puis on va adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Inna hadha la shay'un ujab. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et donc, ils sont partis par la suite, ceux qui étaient notables parmi eux, ils se sont mis à dire aux gens, restez fermes, endurants sur vos idoles et sur vos adorations. Ça, c'est quelque chose qui est voulu pour vous. C'est-à-dire, ils les incitent à ne pas abandonner le shirk et à continuer à adorer les idoles. C'est-à-dire, ça, c'est les chefs parmi les mouchrikoun. Ils ne voulaient pas que les gens abandonnent les idoles. Hein? Et il disait, on n'a pas entendu ça dans la religion précédente. Hein? Ça, c'est des choses nouvelles. Ce sont des choses inventées. Alors, lorsqu'il leur a dit, dites la ilaha illallah, ils ont compris que la signification de ça, c'était pas juste de le prononcer. Si les mouchrikoun pensaient que c'était juste de le prononcer, ils allaient le dire, et puis ils allaient dire, bon, ça y est, on va le dire. Tu veux qu'on te fasse plaisir? Bon, ok, on va dire la ilaha illallah. Maintenant, laisse-nous tranquille. On continue à adorer nos idoles. Mais ils savaient très bien que c'était pas ça qui était voulu de leur part. C'était pas juste de le dire et puis que c'est fini par la suite. Non. C'est de le dire et d'appliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire de ne pas adorer les idoles par la suite et de vouer le culte et l'adoration que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est ça la signification. ومثل قوم نوح. Hein? لما قال لهم نبيهم نوح عليه السلام يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Au début de la sourate, Nuh, il s'adresse à son peuple. Il dit, oh mon peuple, je suis un avertisseur clair pour vous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de le craindre et de l'obéir. ماذا قالوا؟ Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple de Nuh par la suite؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه معبوداتهم. يقولون لا تطيعوا نوحا بأن تفردوا الله بالعبادة وتتركوا عبادة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. هذه أسماء معبوداتهم. فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ود وسواع، ولكن المغفلين في هذا الزمان لا يفهمون هذا المعنى، فهم يجمعون بين المتناقضات، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون المدد يا حسين، المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا فلان، يسبحون عند القبور، يطوفون بالأضرحة كما يطاف بالكعبة رجاء البركة ودفع الضرر، يقيمون عندها أياما كما يقوم الحجاج في منى وعرفات، ويقيمون عند القبور أياما ويتعبدوا حولها ويذبحون لها كما يذبح المسلمون الهدي في منى أيام الحج. هل هؤلاء مسلمون بالله عليكم؟ هل هؤلاء مسلمون بالله عليكم؟ هل وهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويكررونها، هم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. وجمعوا بين المتناقضات والعياذ بالله، فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا أمر عظيم. Donc le cheikh explique, il dit, ils ont dit quoi à Nuh quand Nuh les a appelés à adorer Allah seul? Ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wad et Suwa et Yahuth et Ya'uq et Nasr. Ça c'était cinq parmi les noms de leurs divinités. C'était les noms des hommes pieux que leurs ancêtres avaient adorés, parce que c'était des hommes pieux. Ils les avaient élevés. Ils ont fait leurs statues, leurs images. Et puis après, les gens ont commencé à les adorer, à les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. C'était ça leur excuse. Ils ont dit, nous on est des musulmans, ou bien on est des croyants, on a des péchés. On n'est pas des bons croyants, donc on va passer par les awliya, on va passer par les hommes pieux. Eux, ils sont proches d'Allah, ils vont adresser nos prières à Allah pour nous. Et ils ont pensé que ça c'était correct. Alors que c'était ça le shirk que Allah leur a interdit de faire. Alors, ils ont dit, abandonnez pas vos idoles, continuez à adorer vos idoles, écoutez pas Nuh, écoutez pas le prophète Nuh quand il vous appelle à adorer Allah seul. Ils ont compris que de dire la ilaha illallah, ça veut dire d'abandonner l'adoration de Wad et de Suwar et des autres. Mais les faibles d'esprit ou les inconscients aujourd'hui et les insouciants aujourd'hui, parmi les gens aujourd'hui qui n'ont pas compris la signification de la ilaha illallah, ils réunissent entre les contradictions. Les mouchrikounes de la Mecque, ils ne voulaient pas se contredire. C'est pour ça qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Parce qu'ils ont compris que de dire la ilaha illallah, ça impliquait d'abandonner les idoles. Ils ne voulaient pas abandonner les idoles. Alors ils n'ont pas dit la ilaha illallah pour ne pas tomber dans la contradiction. Aujourd'hui, ces gens-là qui disent la ilaha illallah, qui adorent les tombes, ils tombent dans la contradiction. Parce que ils disent la ilaha illallah, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis après, ils adorent d'autres que Allah, et ils disent, quand ils ont un malheur ou quand ils ont besoin de quelque chose, Al-Madad ya Hussein, Al-Madad ya Rasulallah. Ils demandent le secours du messager d'Allah, ou le secours de Ali radiallahu anhu, ou le secours de Hussein, ou le secours de Abdul Qadir al-Jilani, ou d'autres parmi les gens que les gens considèrent comme étant des awliya, ou le secours de Ahmed Tijan, ou d'autres parmi les shuyukh des turq soufiya. Donc ça, c'est des exemples de contradictions. Et qu'est-ce qu'ils font? Le cheikh, ils égorgent des animaux pour les tombes, pour se rapprocher. Et ils font le tawaf autour des tombeaux également. Comme on fait le tawaf autour de la Kaaba à la Mecque, en souhaitant ou en espérant la baraka, et en essayant en voulant repousser le mal. Ils s'installent autour des tombes pendant des jours. Ils font ce qu'ils appellent des mawasim. Ils s'installent avec des tentes, comme on s'installe à Mina durant le Hajj. Et ils font les mawasim pour les Sayyid, l'Astiad. Et le Cheikh, il dit, ils font ça comme on fait à Arafat et à Mina. Et ils font ça auprès de la tombe d'Abdul Qadir ou auprès de la tombe de d'autres parmi les ceux qu'ils considèrent être des awliya. Et ils les adorent. Ils font des adorations autour de ces tombes-là. Ils égorgent des animaux comme on égorge les sacrifices à Mina durant le Hajj. La même chose. Le Cheikh, il dit, par Allah, je vous demande, est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Par Allah, je vous demande, est-ce que ces gens-là qui font ça sont des musulmans? Ils disent la ilaha illallah, ils le répètent constamment, mais ils ne comprennent rien du tout de sa signification. Il y en a des musulmans, quand c'est la récolte, dans leur pays, dans le village, ils vont voir le wali. Ils vont égorger un mouton à sa tombe pour dire, il va nous donner une bonne récolte cette année. Ou des choses de ce genre. Et ils pensent qu'ils ont dit la ilaha illallah. Ils n'ont rien compris à la signification de la ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Ils n'ont pas établi et réalisé la signification qui est en fait d'établir le droit que Allah a sur ses serviteurs. Alladhi huwa, donc le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'on l'adore lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Ça, c'est une grande chose. Hein? Le Cheikh, il dit, ذكره الله عن المشركين قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استنكروا وقالوا ائتنا يعني تأتينا لنترك آلهتنا فهموا هذا الشيخ لأن معنى لا إله إلا الله إبطال عبادة ما سوى إبطال عبادة ما سوى الله فهم فهموا معناها ولكنهم لم يعملوا بمقتضاها أمام الله الموجودون الآن وقبل الآن من عباد القبور ومن الصوفية الغلاة وغيرهم لا يفهمون ما فهمه المشركون من معنى لا إله إلا الله ولذلك يقولون هذه الكلمة ثم ينقضونها بأفعالهم يجمعون بين النطق بلا إله إلا الله وبين عبادة القبور والأضرحة ولا يتركونها ها؟ شيخ الزي dans le verset 35 et 36 Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat As-Saffat إنهم كانوا c'est-à-dire les mushrikoun lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah ils s'enflaient d'orgueil quand on leur disait de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient allons-nous abandonner nos idoles nos divinités pour un poète fou c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il l'appelait comme ça. Donc, quand on leur disait de dire la ilaha illallah, ils dénonçaient ça, ils refusaient ça. Inna la tariku alihatina. Ça veut dire, est-ce qu'on va abandonner nos idoles? Donc, la signification de la ilaha illallah, c'est d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, et ils l'ont compris, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'appliquer. Et ceux aujourd'hui qui le disent, mais qu'ils font le contraire, ils se contredisent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu les vois devant les tombes, ils adorent les tombes. Et les extrémistes parmi les soufis, la même chose. Ils ne comprennent rien de la ilaha illallah. Ils ne comprennent même pas ce que les mouchtikoun avaient compris de la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'ils disent la ilaha illallah, puis qu'ils font le contraire avec leurs actions. Ils réunissent entre le fait de dire la ilaha illallah et le fait de, par la suite, adorer les tombes. Et ils n'abandonnent pas le fait d'adorer les tombes. Vous savez que dans certains pays musulmans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des pèlerinages qui se font chaque année dans ces tombes-là. En Égypte, il y a la tombe d'Al-Badawi. Les gens ils vont là-bas par millions. Chaque année, ils font des pèlerinages là-bas. 3 millions chaque année qui vont là-bas. Et ça, c'est sans compter les autres endroits dans le monde. Au Sénégal, un village qu'on appelle Touba, les gens vont prier la tombe d'Ahmadou Bamba. Et ils font un pèlerinage là-bas, des millions de personnes qui vont là-bas chaque année. Ils appellent ça le Magal, le Grand Magal. Ça, tout ça, c'est du shirk avec Allah. C'est des gens qui n'ont pas compris la signification de la ilaha illallah. Ils pensent que dire la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a juste un Dieu, un créateur unique. Et que si tu dis ça, ça y est, t'es musulman, t'as dit la ilaha illallah. Non, c'est pas suffisant. Il faut que tu laisses tomber l'adoration de d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala pour être réellement sur le tawhid. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Innahu mimma yajibu alayna ayyuha al-ikhwa an nahtamma bihada al-amr wa an nadrusa ma'na la ilaha illallah wa an na'lam wa na'lam annaha laysat mujarrad alfaz wa huruf أو أن الإنسان يتكلم بها من أجل الأجر والثواب لا من أجل الأجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها لا يحصل الأجر بذكر لا إله إلا الله إلا إذا حقق معناها وإلا فلو رددها عدد الأنفاس صباحا ومساء في الأوراد وهو لم يقلع عن عبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين فإنها مجرد ألفاظ يقولها لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها له أجر ولا ثواب وإنما يتعب نفسه بغير فائدة لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة ولم يفقه معناها ولم يتعلم عقيدة التوحيد. Donc le cheikh il répète et il clarifie encore, il est obligatoire pour nous, ô mes frères, de prendre ce sujet-là hein, et de lui donner une grande importance, de l'apprendre cette signification de la ilaha illallah, et de savoir que ce ne sont pas uniquement des mots qu'on prononce et des lettres, que quelqu'un le dit comme ça juste pour avoir la récompense, hein. C'est pas juste pour ça, sans avoir la compréhension de sa signification, hein, et sans le fait d'appliquer, qu'est-ce que ça implique, tu n'auras pas la récompense de faire le dhikr en disant la ilaha illallah, tant que tu n'as pas réalisé sa signification. Mais même si tu le répétais, le nombre de respirations que tu fais par jour, hein, le matin et le soir, et que tu les répètes dans ton wird et dans ton dhikr quotidien, sans te détacher de l'adoration des tombes ou de l'adoration des saints et des pieux, ça reste que des mots et que des noms. Chacun d'entre nous ici, je suis certain que quand il retourne dans son pays, hein, quand il va voir sa famille, visiter sa famille, il y a des membres de sa famille qui font ces choses-là, qui adorent des tombes, qui croient en des tombes, qui croient en des saints, Sidi Foulan, Sidi Foulan. Ils vont à la tombe, ils demandent des barakats, ou ils demandent d'autres choses. C'est certain qu'il y en a, hein. Et donc c'est le devoir, hein, lorsqu'on a compris la signification de la ilaha illallah et qu'on l'a compris correctement, d'expliquer à nos familles, à nos proches, hein, que ça c'est des choses contraires à l'islam, que ça c'est contraire à la ilaha illallah. C'est notre devoir de faire le rappel, de faire la da'wa à ça. Ce ne sont pas juste des paroles qu'on doit prononcer avec la bouche, sinon ça ne sert à rien. Hein? Donc le cheikh il dit فالإخلال بالتوحيد ينشأ عن أحد أمرين إما عن جهل إما عن الجهل بمعناه الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك وإما من أجل العناد والاستمرار على عادات الناس وما كانوا عليه من دين الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وجد الناس ووجد البلدان يعبدون هذه الأصنام وهذه الأضرحة ويقول أنا مثل آبائي وأجدادي أنا على دين آبائي كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فهو إما معاند يعرف الحق ولكنه لا يعمل به جريا على العادات والتقاليد الباطلة وإما أنه جاهل لا يدري معنى التوحيد ولا معنى العقيدة وكلا الأمرين الجهل والعناد كلاهما مصدر الشقاء لبني آدم. Le cheikh il dit donc que le fait de négliger le tawhid, ça vient d'une des deux choses. Soit que la personne est ignorante de la signification correcte de la ilaha illallah et elle ne sait pas ce qu'est le fait de contredire la ilaha illallah, elle ne comprend pas le shirk, ou bien c'est parce qu'elle s'oppose à la vérité et elle veut rester sur les fausses coutumes et les fausses traditions qu'il a héritées de ses ancêtres et de ses grands-parents ou de ses parents, hein, sans retourner à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sans retourner à ce que suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la personne en question ou l'individu, elle a trouvé que les gens dans son pays, elles faisaient les choses de telle façon. Et elle a dit, puisque les gens dans mon pays font ça, ils adorent les idoles ou ils adorent les tombes, donc moi je vais faire la même chose que mes parents et que mes ancêtres. Il ne se remet pas en question. Il ne remet pas les actions de son peuple, ou de son village, ou de sa ville, ou de son pays. Il pense que l'islam tel qu'elle est dans son pays aujourd'hui, Ça a toujours été comme ça depuis 1400 ans, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en 1400 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été déformées. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal interprétées. Il y a beaucoup d'erreurs qui se sont introduites et infiltrées dans la mentalité des gens et dans la pratique des gens et dans la compréhension des gens. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut corriger ces erreurs-là. C'est pas juste de dire, ah, chez nous c'est comme ça. Hein? Chez nous, dans notre pays, on fait ça. Non. L'islam, c'est pas basé sur qu'est-ce qui se passe dans notre pays d'origine. L'islam, c'est basé sur qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas ton pays la référence. Allah, dans le Coran, il a pas dit, si tu veux savoir comment adorer Allah, retourne à tel pays. Retourne à telle tradition. Non. Il a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ça c'est meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc, ces idoles et ces tombes, les gens ils disent oh, on suit nos ancêtres, c'est comme la parole des mouchriquins lorsqu'ils disaient à l'époque, comme Allah il le mentionne dans le Coran, dans Surat Az-Zukhruf, le verset 23, et c'est ainsi que, à chaque fois qu'on a envoyé un avertisseur à une ville ou à un peuple, à chaque fois les gens aisés de cette ville ou de ce peuple disaient, nous avons trouvé nos parents sur une religion et nous prenons ce qu'ils ont fait comme un modèle ou comme exemple, on suit leurs traces. Sans retourner à la révélation, sans retourner à la sunna, sans retourner au Coran. Donc, le cheikh, il dit, soit que la personne, elle est opposée à la vérité, alors qu'elle la connaît très bien, mais elle veut pas la suivre, elle veut juste suivre les traditions et les coutumes fausses sur lesquelles elle a grandi, ou bien soit qu'elle connaît très bien la vérité, et elle connaît soit qu'elle ignore correctement, elle ignore la signification correcte du tawhid et la signification de la aqidah. Donc soit qu'elle connaît mais elle s'oppose, ou soit qu'elle ignore et elle suit ça par ignorance. Et dans les deux cas, soit dans l'ignorance ou soit dans l'opposition, dans les deux cas, il y a le malheur, il y a le malheur pour le fils d'Adam. إذن علينا أيها الإخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معبودات كثيرة ولكنها معبودات أو معبودة بالباطل لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. جميع المعبودات غير الله فإنها معبودة بالباطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Donc le cheikh il dit donc, oh mes frères, on doit savoir la signification de la ilaha illallah, que ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ok? Et les choses qu'on adore, les choses que les êtres humains adorent sur la terre, en dehors d'Allah, sont nombreuses. On les a mentionnés, ils adorent le soleil, la lune, les idoles, les statues, les prophètes, les anges, les saints, les djinns, les arbres, les pierres. Tout ça, c'est des choses que les hommes adorent, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes ces choses-là sont adorées dans le faux, dans le mensonge. Elles ne méritent pas d'être adorées. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a tout créé, c'est celui qui est le maître de tout. Si tu offres ton adoration à celui qui a été créé lui-même et qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien faire, ni pour toi, ni pour elle-même, elle ne peut pas ni te nuire, ni te profiter, alors dans ce cas-là, pourquoi tu l'adores? Elle ne mérite pas d'être adorée. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le seul qui possède les attributs et les qualités de perfection. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça. Il dit, dans le verset 62, dans Surat al-Hajj, ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci parce que Allah, c'est lui la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très haut et le très grand. Donc si tu as connu la signification de la ilaha illallah, alors tu vas comprendre que ça veut dire de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmer que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Donc il y a deux parties, l'affirmation et la négation. La ilaha illallah. La ilaha, tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parce que en arabe le mot ilah, ça signifie al-ma'boud, qu'est-ce qui est adoré. Et illallah, tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré. Si tu n'as pas, dans ta prononciation de la ilaha illallah, appliqué les deux parties, la négation et l'affirmation, ton tawhid n'est pas complet. Donc c'est pas juste de dire je crois en Dieu et je crois qu'il est unique, mais c'est la deuxième partie également, hein, c'est de dire la ilaha. Hein. La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc tu affirmes que Allah existe et qu'il est unique, et tu dis que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est faux et ne mérite pas d'être adoré. C'est ça que ça veut dire. Donc, le cheikh il explique, il dit هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله وإبطاله واعتقاد بطلانه ثم إثبات العبادة. Si quelqu'un par exemple il dit moi j'adore pas les idoles, j'adore pas les tombes, j'adore pas les saints, j'adore rien en dehors d'Allah, j'adore seulement Allah, sauf que quand il voit les gens en train d'adorer des tombes, ou d'adorer des saints, ou d'adorer des idoles, ou d'adorer autre que Allah, il dit, oui, c'est bon, il a le droit de le faire, c'est correct. Lui, il le fait pas, mais il accepte que les autres le fassent, et il croit que c'est correct. Dans ce cas-là, il est comme eux, même s'il l'a pas fait lui-même. Parce que, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut pas juste dire que tu le dis pour toi-même, pour dire que toi-même tu fais pas le shirk. Et que c'est fini. Non, ça veut dire que tu rejettes tout ce que les autres font comme shirk également. C'est pas juste que tu dis ça c'est pour moi seulement. Non, tu rejettes le shirk de tous ceux qui pratiquent le shirk sur la terre, hein, sans exception. Donc tu le nies et tu dis ce qu'il fait c'est batil, c'est faux. Si tu approuves ce qu'il fait en adorant d'autres que Allah, alors tu es comme lui, tu es un mushrik comme lui, puisque tu es d'accord avec ce qu'il fait. Et tu l'as approuvé. Donc il faut rejeter tout ce qui est pratiqué comme shirk, même si toi-même tu ne le fais pas. Les autres qui le font aussi, tu dois dénoncer ce qu'ils font comme shirk. Donc le cheikh, c'est ce qu'il explique. Il dit, « هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله وإبطاله واعتقاد بطلانه » Et de croire que c'est faux. ثم إثبات العبادة لله عز وجل هذا معناها كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله إلا الله أن يعبدوا الله هذا معنى لا إله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله الإثبات. Donc le cheikh il explique ça. Il dit cette parole donc comme on a dit elle a une négation, elle a une affirmation. C'est de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de croire que c'est faux et de croire que c'est faux. Donc tu dois croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tout ce que les gens font comme shirk c'est batil. Et que tu adores uniquement Allah, tu affirmes que c'est seulement lui qui mérite d'être adoré. Et ça c'est exprimé dans plusieurs versets, dans le Coran. Le verset 36 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et ça veut dire, la ilaha illallah. Adorez Allah, et écartez-vous du tarout. Il y a la négation, il y a l'affirmation, et il y a la négation. adorer Allah, c'est comme si tu disais illallah, et wajtanibu at-taghut, c'est comme si tu disais la ilah. La négation et l'affirmation, les deux doivent être présents. Hein? Et c'est comme dans l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ça c'est la même signification que la ilaha illallah. Yakfur bit-taghut, c'est comme s'il dit la ilah. Yakfur bit-taghut. At-taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et illallah, hein, wa yu'min billah. Ça c'est l'affirmation. Donc il faut qu'il y ait les deux, l'affirmation et la négation et l'affirmation. Le cheikh il dit ensuite تفسير الكلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لم يقتصر على قول لا إله إلا الله بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله فإن كان يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله فهو لم يكفر بالطاغوت فلم تنفعه لا إله إلا الله. Le cheikh il dit donc la signification de la parole de la ilaha illallah dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, on la retrouve dans plusieurs versets et dans plusieurs hadiths. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit ou qui rejette ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas juste dit, hein, dites la ilaha illallah et ça suffit. Il a dit, dites la ilaha illallah et en même temps tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que si tu dis juste la ilaha illallah mais tu rejettes pas ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est comme si tu n'as pas rejeté le tahout. Tu n'as pas rejeté le tahout et donc ton tawhid n'est pas complet et il ne sera pas profitable ou bénéfique pour toi. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فمعنى لا إله إلا الله الإخلاص في العبادة والإخلاص معناه ترك عبادة ما سواه ترك عبادة ما سوى الله من العبادة كما سمعتم في الحديث أن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ولم يقتصر على لا إله إلا الله بل قال يبتغي بذلك وجه الله. Donc le cheikh explique la même chose encore une fois pour donner d'autres exemples du fait que le fait d'affirmer que Allah seul doit être adoré, il doit être accompagné également du rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il dit comme par exemple, dans le hadith, Abu Huraira, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle personne sera plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection, ô messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui sera plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection, c'est celle qui a dit la ilaha illallah avec pureté et sincérité dans son cœur. Et la signification de la ilaha illallah, c'est al-ikhlas, hein, la pureté dans l'adoration. La pureté dans l'adoration, ça signifie d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et on a entendu l'autre hadith qu'on a mentionné plus tôt, que Allah a interdit l'enfer à celui qui a dit la ilaha illallah tout en recherchant par cela le visage d'Allah. Donc il n'a pas juste dit de dire la ilaha illallah, il a dit et qui recherche par cela le visage d'Allah, c'est-à-dire il recherche que le visage d'Allah, il recherche pas d'autres choses en dehors de ça, hein. Donc ça c'est un autre exemple. فمن كان يقول لا اله الا الله وهو لا يبغي بذلك وجه الله انما يقول لا اله الا الله مجامله او نفاقا كما يقولها المنافقون فإنها لا تنفعه لأنه لا يبتغي في التلفظ بها وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يقصد بها غرضا من أغراض الدنيا. إذن فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم لا يمكن أن نفهمه ولا يمكن أن نؤديه على الوجه الصحيح حتى نتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك وحتى نتعلم معنى لا إله إلا الله ونفقه مدلولها ومقتضاها ونستحضر هذا عند النطق. Là, on est en train d'expliquer la ilaha illallah, on est en train d'expliquer l'importance du tawhid. Pensez pas que le sujet du tawhid, ça se limite juste à une conférence qu'on peut donner sur le tawhid. Le tawhid, c'est un sujet vaste qui s'étudie, qui prend des années et des années à étudier et à comprendre. Il y a un livre qui s'intitule Kitab al-Tawhid. Et c'est un livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ce Cheikh, il a réuni dans ce livre tous les versets du Coran, ou la majorité des versets du Coran, et les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent du Tawhid. Eh bien, quand vous regardez le livre, vous voyez qu'il est tout petit, yani, il n'est même pas plus. Il peut être aussi petit que cet appareil maintenant, un petit carré, yani, un petit livre qui semble vraiment petit en apparence. Mais pour comprendre la signification de ce qui est dedans, ça peut prendre des années. Si on veut étudier chaque hadith et comprendre comme il faut la signification de chaque chapitre et comprendre toutes les différentes catégories de shirk qui peuvent exister et pour être capable justement de s'en écarter. Donc c'est pas juste un petit sujet comme ça. Il faut donc apprendre ce tawhid là avec sérieux, une grande attention pour vraiment le comprendre correctement, pour être sûr pour nous-mêmes avant tout que lorsqu'on va rencontrer Allah au jour de la résurrection, on aura une aqidah qui est propre, une aqidah qui est saine, exempte de toute forme de shirk. Et comment on peut être certain qu'on ne fait pas du shirk ou qu'on n'a pas du shirk dans notre adoration si on n'a pas étudié le tawhid? C'est impossible. C'est pas juste que tu dis la ilaha illallah, ça y est, c'est fini, j'ai compris, il y a juste un Dieu qui a créé le monde et c'est fini. Si c'était si facile que ça, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pris 13 ans à la Mecque pour l'enseigner aux gens? 13 ans pour enseigner ça? Si c'est juste de dire qu'il y a un seul Dieu, celui qui a créé le monde, ça y est, c'est fini. Si c'est juste ça le tawhid, alors, ça y est. La majorité des hommes sur la terre sont dans ce cas-là sur le tawhid. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu des gens pendant des années. Et on a essayé de le tuer pour ça. Donc, c'est pas juste aussi simple qu'on peut se l'imaginer. Donc, le cheikh, il dit que c'est pas juste de dire la ilaha illallah, il faut le dire avec sincérité. Celui qui dit la ilaha illallah pour se faire accepter ou pour bien paraître, ou bien par hypocrisie, comme le disent les hypocrites par exemple, ça ne sera d'aucune utilité pour lui. Celui qui dit la ilaha illallah parce qu'il veut quelque chose de la dunya, par exemple celui qui dit la ilaha illallah, il veut se marier avec une femme musulmane, il dit la ilaha illallah juste parce qu'il veut se marier, ou bien parce qu'il veut se faire accepter parmi les musulmans, ça ne sera pas accepté de lui parce qu'il n'a pas dit la ilaha illallah yabtari bidhalika wajh Allah. Il n'a pas dit la ilaha illallah en recherchant le visage d'Allah. Donc il faut que la personne soit sincère. Il ne faut pas qu'il accepte ou qu'il dise la ilaha illallah juste pour quelque chose de la dunya. Donc ça c'est très important de le comprendre, pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala le droit qui lui revient. Et on ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas étudié et appris comme il faut la signification de la ilaha illallah. Al-insan indama yantiqu la ilaha illallah yastahdiru ma'naha. Regardez, on fait une conférence maintenant, cette conférence là de Cheikh Al-Fawzan sur le tawhid, on l'a presque terminé, c'est quelques pages en français, c'est le dos parce qu'on traduit, mais imaginez le Cheikh Al-Fawzan, il l'a fait d'un seul coup du début à la fin sans arrêt. Et des fois, on se fatigue vite juste à entendre des paroles qui parlent, par exemple, du tawhid et des choses de ces choses-là, parce que des fois, on n'a pas la patience de rester et d'écouter et d'apprendre. Alors qu'à la fin de ça, il y a un grand bienfait pour nous. Donc, c'est très important de faire preuve de patience et d'encourager les jeunes à venir à la mosquée et à apprendre le tawhid. Et à étudier leur religion et leur aqidah. C'est très important. Surtout vos enfants ici dans cette société. Si vous ne voulez pas qu'ils se perdent, il faut leur enseigner leur islam, leur religion, leur tawhid, leur aqidah. Il ne faut pas les faire fuir de la mosquée. Il ne faut pas les faire fuir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, ah, vous êtes jeune, vous avez encore le temps à profiter de la vie. Hein? Plus tard, vous allez adorer Allah. Non, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas peut-être que tu meurs quand tu es jeune. Donc, il faut profiter du temps qui reste. Hein? Chaque jour, chaque minute compte. Hein? Le Cheikh dit, « وَالْإِنسَانِ عَنْدَمَا يَنْتِقُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَحْدِرُ مَعْنَاهَا وَيَعْتَقِدُ وَأَنْ يَعْتَقِدُ مَدْلُولَهَا وَأَنْ يَسِرُ عَلَى نَهْجِهَا فِي أُمُورِ عِبَادَتِهِ دَائِمًا وَأَبَدًا » Quand tu dis « لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ » يعني, réfléchis sur sa signification et tu dois croire qu'est-ce que ça implique et tu dois marcher sur cette voie. Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam. Regardez comment il a eu des problèmes avec son peuple, parce qu'il les a appelés au tawhid. Comment il a détruit les idoles, et comment ils ont voulu le brûler à cause de ça. Son propre père, hein, il a voulu le faire brûler parce qu'il a détruit les idoles. Hein? Allah al-Musta'an. Donc c'est très important. La ilaha illallah, juste par exemple aussi, parmi les choses qui ont rapport avec la ilaha illallah, c'est de comprendre aussi qu'est-ce que ça implique dans toutes ses significations, dans le fait qu'on doit appliquer et juger selon l'islam dans tous les aspects de notre vie, dans les adorations, dans les croyances, dans les règles de la vie. Entre nous, on doit juger selon qu'est-ce que Allah a révélé et qu'est-ce que son messager a transmis. Ça aussi, ça fait partie de comprendre la signification de la ilaha illallah. Donc tout ça, c'est important. هذا معنى la ilaha illallah وحقيقتها ومدلولها ولا يمكن أن نعرف هذا إلا إذا درست لا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا درست العقيدة إذا درست كتب العقيدة كتب التوحيد التي ألفت في هذا يعني les livres de tawhid, comme le Cheikh il dit, si tu veux le comprendre, il faut que tu, premièrement, que tu les achètes. Il y a maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup de traductions des livres en français. Donc, ceux qui ne parlent pas l'arabe, ils n'ont pas d'excuses. Il y a les livres en français, il y a les cours audio. Ceux qui parlent l'arabe, alhamdoulilah, il y a des livres en arabe, il y a des audios. Ceux qui ne parlent pas le fosha, ils parlent darija. Il y a des cours en darija aussi sur le tawhid, sur l'internet. Hein? Vous pouvez les télécharger, les écouter. Hein? Même si vous ne comprenez pas le fosha, quand même, vous pouvez comprendre. Le darija, il y a des traductions. Si vous ne parlez pas l'arabe, vous parlez kabyle, ou bien vous parlez d'autres dialectes ou d'autres langues, hein? Il y a la traduction pour apprendre la religion sur Internet. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour être ignorant de ces choses-là. Et c'est la base de notre islam. Hein? Donc, tu dois l'apprendre, tu dois acheter les livres, tu dois essayer de le comprendre. Kutub al-Tawhid allati ulifat fi hadha al-sha'n hatta tafham ma'naha wa haqqaqta hatta tuhaqqiq madlulaha wa hina idhin takunu min alladhina ya'budu Allah 'ala basiratin wa 'ala 'aqidah fa in lam tafham ma'naha wa lam tadri ma madlulaha fa innaka takunu min alladhina ya'budun Allah 'ala jahlin wa 'ala dalal wa yakhthi'una akthar mimma yusibun. Donc le Cheikh il dit, hein, que si tu as étudié le tawhid, que tu l'as compris comme il faut, tu adores Allah avec compréhension et avec une bonne croyance, une bonne aqida, hein, et tu comprends ce que tu fais. Mais si tu n'as pas étudié le tawhid et tu ne le comprends pas, tu adores Allah par ignorance et avec égarement, et tu fais plus d'erreurs que de bien. Même si c'est quelqu'un qui est hafiz Qur'an, qui a mémorisé le Coran au complet et qui a un diplôme, un doctorat en sciences islamiques, mais qui est en train de défendre le shirk, défendre l'adoration des tombes et des saints, défendre les bid'ahs, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas les diplômes qui font la signification de ton ilm ou de ta science. La signification, c'est si tu as correctement compris ton tawhid et que tu t'es accroché à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, c'est des chouyours, hein, des gens qui sont considérés comme, par les gens comme étant des ulama. Quand les gens les voient et disent ça c'est des savants. Ils pensent que c'est des savants, mais ce ne sont pas des savants. Parce qu'ils défendent l'idolâtrie, le shirk et l'adoration des tombes et des morts. Et ils défendent les innovations et les bédards et toutes les sectes. Hein, le soufisme et les sectes de Shia, et les sectes de bédards, ils les défendent, ils les supportent. Donc ça, ce n'est pas un savant. Si quelqu'un est un savant, il défend le tawhid. Il combat le shirk. Il défend la sunna. Et il combat la bid'a. Il ne défend pas la bid'a. Hein? Donc c'est important de le comprendre. Le cheikh il dit wa kathura fi an-nas al-yawm tasahulun fi ta'allum at-tawhid wa ta'allum al-aqidah bal rubbama ba'dhum yaqulu hadha amrun thanawi an-nas muslimun ha ta'lamuna ha tu'allimuna unasan muslimin naqulu subhanallah la yakununa muslimin hatta ya'rifu at-tawhid. من قال لك أنهم مسلمون وهم لا يعرفون التوحيد لا يكون الناس مسلمين حتى يعرفوا التوحيد ويعملوا به ما يكفي أن يقول الإنسان مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الإسلام ومعنى التوحيد ويقيموا بذلك قياما صحيحا. Donc on va s'arrêter à ça inshallah. Le cheikh qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Il dit que, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui ont pris la question du tawhid à la légère. Et ils disent, hein, vous enseignez aux gens le tawhid, vous enseignez aux gens la aqidah, mais ce sont des choses secondaires. Pour eux, ils pensent que c'est des choses secondaires. Et ils disent, les gens sont musulmans, pourquoi vous leur enseignez le tawhid? En voulant dire, on est déjà musulmans, pourquoi vous nous enseignez le tawhid? Pourquoi vous nous enseignez la ilaha illallah? On est déjà musulmans. Hein? Eh bien, subhanallah, les peuples qui ont vécu avant l'islam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que eux aussi ils avaient reçu des messagers et des livres et qu'ils étaient sur le tawhid avant de dévier? Hein? Donc on a toujours besoin du rappel. Et même aujourd'hui, si nous on est sur le tawhid, hein? Qu'est-ce qui garantit qu'on va rester sur le tawhid jusqu'à la mort? Et qu'est-ce qui garantit que nos enfants ou nos petits-enfants vont être encore sur le tawhid? Hein? Donc, si on ne le rappelle pas, et si on ne l'étudie pas, et si on ne l'enseigne pas, on risque de l'oublier, on risque de s'égarer, on risque de tomber dans le shirk. Et croyez-moi, il y en a beaucoup de différentes sortes de shirk qui sont appliquées. Hein? Les gens qui portent des talismans, des amulettes, hein, ils savent pas que ça vient en contradiction avec le tawhid. Ils mettent des porte-bonheur, hein. Ils mettent des mains avec un œil au milieu dans leur collier. Ils portent ça. Ils pensent que ça protège du haïn. Ça rentre dans le shirk. Les gens, ils disent, on a compris le tawhid, nous. Il y en a un l'autre fois, il est venu me voir, il m'a dit, yahi, il faut aller faire le jihad fi sabilillah. J'ai dit, regarde dans ton cou, qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai dit, c'est quoi ça? Une main avec un œil. J'ai dit, si tu vas au djihad et tu meurs avec ça dans ton cou, tu sais où tu vas aller? Tu ne vas pas aller au paradis. C'est grave, c'est du shirk. Tu crois que ça peut te protéger en dehors d'Allah? Hein? Un morceau de métal, il a un pouvoir? Il peut éloigner le mal et ramener le bien? Qui peut ramener le bien et éloigner le mal excepté Allah, le Créateur? Donc toi tu prends par exemple ce stylo, tu dis il peut me protéger du mal, il va éloigner le haïn. C'est quoi la preuve? Mad dalil. Tu prends une main avec des yeux, tu dis ça éloigne le haïn. C'est quoi le dalil? Ou est-ce qu'il est le dalil dans le Coran ou dans la Sunna que c'est vrai ça? Hein? Il y en a qui écrivent des chiffres et tout, ils mettent ça dans du papier, ils mettent ça dans une pochette en cuir, ils le mettent sur eux, dans leurs bras, dans leurs jambes, dans leur corps, différents endroits. Ils pensent que ça protège du sihr ou des choses comme ça. Ils veulent protéger le sihr par le sihr. Ils veulent guérir le sihr par le sihr. A'udhubillah. Tu peux pas. Hein? Donc ça c'est des exemples. Donc il faut apprendre le tawhid. Il y en a qui disent qu'ils croient en l'islam, qui sont des musulmans, tu les vois tous les jours, ils ouvrent le journal, ils lisent l'horoscope. Ah, moi je suis Gémeaux, moi je suis Verseau, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Il croit en ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man ata kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme a parlé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va voir un kahin, un médium ou un voyant, il prétend que, il croit en ce que cette personne-là prétend, alors il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ça c'est un exemple de kufr. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui connaît le ghaib en dehors d'Allah? Donc tu donnes à cette créature la connaissance, l'attribut de la connaissance du ghaib? Hein? Il n'y a personne qui connaît le rêve excepté Allah. Ça aussi, ça rentre dans le tawhid. Hein? Il y a plein d'autres sujets, plein d'autres choses encore comme ça, qu'on prend à la légère. On parle de politique, on parle d'économie, on parle de la Palestine, on parle de toutes sortes d'autres sujets. Et puis, on laisse tomber la base, les choses les plus importantes de notre religion, qui est le tawhid. On n'en parle pas. On n'en parle jamais. Donc il faut corriger ça. Inch'Allah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos bonnes œuvres et nos bonnes actions, et en particulier dans ce mois de Ramadan. Et puis j'espère que vous allez inch'Allah faire des efforts, qu'on va tous faire des efforts inch'Allah pour améliorer et augmenter la connaissance de notre religion, et en particulier des bases de l'islam, et essayer de rappeler à nous-mêmes ainsi qu'à nos familles et à nos proches l'importance de ça, de faire des petits cours avec nos familles à la maison sur le tawhid, sur les bases de l'islam, sur la sunna. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barakatuh.